Avec un client. Bon, aujourd'hui, JP, étant donné qu'on est que tous les deux, on va essayer de faire un truc. Tu vas me trouver des accords. Ou même des notes. Et je vais essayer de te suivre. Vu que je suis fatigué. Ah ouais, il paye. Il passe bien le son de la guitare, c'est un ampli que j'ai retrouvé. Il était plein de poussière. Attends, il faudrait que je branche mon synthé pour qu'on arrive à faire un truc ensemble. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais, n'importe quelle note. On va prendre un son d'or comme toi là. Comme je sais que tu n'as qu'un son, mon pauvre petit tout. Tu me fais un peu pitié des fois avec ton petit son d'or. Mais toi, j'ai une leçon à tirer avec toi, c'est que toi, tu sais te contenter du minimum. Et ça, c'est beau, ça. Plutôt que de dépenser des fortunes, tu sais te contenter de ton petit son d'orgue. Tu es un exemple pour nous tous qui dépensons beaucoup d'argent dans les instruments de musique. Alors, bravo, bravo. Bravo, mon ami, bravo. Voilà. C'est, alors, toi, tu as un petit son style... Un peu comme ça, là. Comme ça. Pourquoi il monte pas, lui? Oh. Attends. Allez, vas-y. Ah non, tu me suis? Ah non, tu me suis. Alors, attends. Attends, parce que ce son, il est bas. Hein. Voilà, faut que tu joues ça. Attends. Ah. Ça, c'est plus comme toi. C'est ton son, ça. On dirait, hein. On dirait que c'est ton son. Bah alors déjà, faut pas que je mette le capot, parce que ça va te perturber. Je vais pas mettre le capot. Ah, ça, tu dois savoir le faire. Alors, c'est un truc tout simple. Sur ton clavier, parce que moi, je suis nul au clavier. Tu peux faire ça. Alors, c'est... Tu sais, avec trois doigts. Donc, ça fait... Attends. Hein. Alors, tu joues... Attends. Mi, ouais, mi, fa, sol. Si. Mi, sol, si. Hein? Tu plaques mi, sol, si. Tu vois avec tes doigts. C'est mi. Tu sais où il est le mi Voilà. Voilà. Voilà, ça fait l'accord. Et après, tu déplaces juste tes doigts. Tu descends juste d'un cran. Attends. Merde. Ah, j'ai fait un... Merde. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attends, j'ai fait une connerie sur mon synthé. Qu'est-ce qui se passe sur mon synthé? Ah oui. Et après, tu descends d'une case. Tu descends tout d'une case. Alors. Attends, je l'écris. Là. Le même truc, hein. Et après, pa ba ba. Voilà. Et encore une autre. Le dernier. En fait, c'est simple, c'est tout pareil. Et après, le dernier, c'est Do, Mi. Do, Mi, Sol. Ça ferait trois accords. Comment ça va? Ouais, voilà. Bon, après, il faut... On essaye sur le métronome. Ouais, moi, faut que je trouve les accords sur la guitare. Attends, moi, je cherche les accords. Part sur le 1. Ça suffit. J'aurais aimé faire sa connaissance, tu vois. Mais je suis arrivé trop tard sur le quai du métro. Je l'ai vu partir loin, ce salaud. Pourquoi tu t'en vas, mon petit Cédric? J'aimais bien tes percussions, ton petit djembé, tu vois. J'ai vu un reportage à la télé. Il y avait une nana qui était super contente parce que le responsable du métro lui offrait une carte pour pouvoir aller jouer, pour faire la manche. Et la nana, on avait l'impression qu'elle avait décroché le Zénith. Le Zénith de Paris, tu vois. C'est limite si elle pleurait, quoi. Et l'autre, le responsable du métro, se prenait pour Eddie Barclay. Ça me fait vraiment chier de voir ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai plus envie de me faire chier. J'ai pas envie de gagner ma vie à me prostituer sur un bout de trottoir pour quelques euros. Et des gens qui passent qui en ont strictement rien à foutre, et toi? Putain de métro de Paris. me rappelle une autre fois aussi où j'étais parti à Paris pour acheter, eh oui, dépenser un synthétiseur du côté de Pigalle. Parce que si tu vas à Paris, il y a des magasins de musique, je crois, hein, qui sont vers Pigalle. Eh ben, j'étais dans le métro et soudain, j'ai entendu une douce mélodie. C'était de la harpe. Avec la réverb du métro, c'était magnifique. Alors j'ai cherché, tu vois, en écoutant le son. J'en avais rien à foutre de mon métro. Je me suis dit, bon, c'est bon, il faut à tout prix que je vois cette personne qui joue de la harpe. Et il y avait une fille qui jouait de la harpe. Je suis arrivé, j'ai cru que c'était un ange. Je me suis assis à côté d'elle. Et pendant un moment, j'ai connu un petit coin de paradis. Ouais, je me suis trompé d'accord, merde. Ah, c'est mieux ça. Non. Bon, là par contre, il y a une variation, c'est... Au lieu de faire, eh ben, tu fais. C'est quoi cet accord là? Tu sais jouer celui-là? Je le joue jusqu'à que tu saches jouer. Ça part du ré, hein? Ça part du ré. Ré. Et après c'est quoi celui-là? Ré, mi, fa dièse, non? Voilà, voilà celui-là. Ouais, c'est bon, tu l'as. Ouais. Eh ben si on fait. Ouais, parfait. Eh ben si tu fais. On remplace le deuxième, ça sera plus joli, ça fait. Donc le premier c'était. Et là on met celui-là. Ouais. Parfait. Donc tu fais. Donc les trois accords ça fait. En fait les autres tu les bouges pas, mais on a changé que le deuxième. Là c'est celui qu'on a changé. Voilà. Ouais, parfait. Ah non, c'est quoi, je veux dire? Merde. Je trouve pas sur la guitare. Là, je vais essayer d'enregistrer sur l'ordinateur. Je crois que je me suis trompé, attends. Je vais essayer d'enregistrer. Attends, j'essaie. Ah merde, j'ai pas le tempo là-dessus, pourquoi ça marche pas? Oh, il manque des trucs sur le... Attends, hein. Je vais essayer de... Je suis à 120, merde. Délai. Waouh, ça s'est tout bloqué, ça va couper, l'ordinateur va se couper. Au revoir, mon ordinateur en train de bugger, putain. Tu sais, quand ça commence à se bloquer, c'est pas bon. Ça. Reaper doit fermer. Ah, je suis encore là, mais mon ordinateur est en train de... Non, me laisse pas, petit ordinateur. Non, s'il te plaît, ne bug pas. Tu sais, quand ce machin qui tourne en bleu, là... Ah, c'est bon, il est resté là. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait... Alors, le tempo, c'est 85. Alors, je vais essayer d'enregistrer le truc. T'inquiète pas, hein, je vais essayer d'un truc. Pourquoi il n'y a pas le... C'est bon, ça y est, ça marche. Voilà ce que c'est d'avoir un ordinateur pourri. Ah, c'est pas tempo. Thank you. faut que je comprenne pourquoi. Pourquoi des fois ça fait ça. Bon ben écoute, ça déconne bien sûr comme d'habitude. Saloperie d'ordinateur. Voilà. Pourquoi ça fait ça?